Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, quelle serait cette toile, quelle serait cette période? Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons. Et c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? Parce que c'était une grande catastrophe. Commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est comme ça. C'est vous qui avez fait ça? L'apostrophe d'Otto Abetz est devenue célèbre. L'ambassadeur allemand, nazi, rend visite à Picasso dans son atelier du 7 rue des Grands Augustins à Paris pendant la guerre. Dans son atelier, la grande toile de 3,50 m sur 7,76 m prend toute la place. Picasso l'a réalisée en un mois, en mai 1937. C'est une commande du gouvernement républicain espagnol pour l'exposition universelle de Paris en 1937. À Guernica, la ville sainte, les habitants se réunissaient autour de l'arbre qui symbolisait les libertés du pays. Aujourd'hui, Guernica n'est plus qu'un amas de ruines. La camarade Vandal, qui arrive de Guernica, veut vous parler. Compagnons, il faut prendre les armes, non pas à l'âne. Entre-temps, le 26 avril 1936, la ville de Guernica a été bombardée par l'aviation nazie et les fascistes italiens. Le tableau de Picasso, exposé à Paris, circule dans de nombreux pays entre 1937 et 1939 et joue un rôle clé dans l'intense propagande en faveur des républicains contre la violence franquiste et fasciste qui menacera l'Europe et plus généralement contre les horreurs de la guerre. C'est vous qui avez fait ça? Demande donc Otto Abetz à Picasso. Non, c'est vous, réplique Picasso. La peinture est réalisée en noir et blanc, utilisant toutes les nuances de gris. Sa figure centrale est un cheval qui hurle et dont le corps est transpercé par une barre dans le dos. À gauche, une femme porte son enfant mort et hurle de douleur. Un homme gît à ses pieds, les bras en croix. Trois femmes désarticulées, de l'autre côté du tableau, pleurent. Des formes géométriques évoquent des immeubles incendiés. Tout n'est que désolation, ruine, désespoir. Pour ce travail intense, Picasso est aidé de Dora Maar, sa maîtresse, photographe, qui travaille avec lui durant l'élaboration de l'œuvre. Picasso refuse que le tableau retourne en Espagne tant qu'il y a Franco. Il resta donc à New York, où il se trouvait au début de la guerre, au musée d'art moderne de New York, le MoMA, et ne retournera en Espagne qu'à la fin du mois d'octobre 1981, après la mort de Picasso, survenue en 1973, et l'installation d'un gouvernement démocratique en Espagne. Le tableau, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de ce peintre exceptionnel qui a marqué l'histoire de la peinture à travers les siècles, est aujourd'hui au musée de la Reine Sophie à Madrid. La guerre d'Espagne est la bataille de la réaction contre le peuple, contre la liberté, dit Picasso. Toute ma vie d'artiste n'a été qu'une lutte continuelle contre la réaction et la mort de l'art. Dans le panneau auquel je travaille et que j'appellerai Guernica, j'exprime clairement mon horreur de la caste militaire qui a fait sombrer l'Espagne dans un océan de douleur et de mort. Une reproduction de Guernica a été depuis installée à l'entrée du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Comment choisir une œuvre de Picasso parmi tous les chefs-d'œuvre que celui-ci a créés? Sans doute aurais-je pu en retenir d'autres qui ont une telle importance dans la peinture. Mais Guernica est à la charnière de l'histoire politique et artistique du XXe siècle. Une œuvre d'art qui a compté plus que tout autre dans les horreurs guerrières du siècle dernier. Picasso, artiste engagé, témoin de son temps.